présence m'a transformé. Je ne vais plus, je ne vais plus, je ne peux plus retourner à mon passé, car ta présence m'a transformé. Est-ce que tu peux lever les mains? Je ne veux plus. Je ne vais plus, je ne peux plus retourner à mon passé, car ta présence m'a transformé. Je ne vais plus, je ne vais plus, je ne peux plus retourner à mon passé, car ta présence m'a transformé. Encore une fois. Je ne vais plus, je ne peux plus retourner à mon passé, car ta présence m'a transformé. Je ne vais plus, je ne vais plus, je ne peux plus retourner à mon passé, car ta présence m'a transformé. Je ne vais plus, je ne veux plus retourner à mon passé, car ta présence m'a transformé. Je ne vais plus, je ne vais plus, je ne veux plus retourner à mon passé, car ta présence m'a transformé. Pour une dernière fois, je ne vais plus. Je ne vais plus, je ne peux plus retourner à mon passé, car ta présence m'a transformé. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Je ne vais plus, je ne peux plus. Alléluia. Close your eyes. Father, I want to bless you tonight for your goodness, mercy, your grace. Lord, by your grace, we are not going back. We will not go back. Father, we thank you. Thank you for tonight. Thank you for our lives, Lord. Father, we come into your presence. We ask for your Holy Spirit. Holy Spirit, come and lead us. Come and help us. Come and fill us. Come and direct us. Come and teach us. Come and remind us. Come and convict us. Oh, Holy Spirit, come and lead us in the name of Jesus. We bless you. We thank you. Lord, we come against any evil spirit, any opposition to your word, anything that will be lifted against your word. Lord, we cast it out. We refuse it in the name of Jesus. We pray that, Father, our heart will be prepared. Our hearts are ready, Lord, to receive your engrafted word, which is able to heal, which is able to save, Lord, our souls. Father, we bless you. Give us light through your way. We bless you in the name of Jesus. And everyone say amen. Please be seated. Hallelujah. Are you happy to be here? I'm happy to see you. Hallelujah. Amen. Wow. Where are the rest? Où sont les autres? Hallelujah. Are you sure about that? Are you sure about that? Vous êtes sûr qu'ils arrivent? Hallelujah. Can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Okay. Tonight, we want to talk about a few things before we go. Ce soir, nous voulons parler de peu de choses avant de partir. Hallelujah. Amen. Chapter 3. Chapitre 3. How different people were called. Comment différentes personnes ont été appelées. How different people were called. Comment différentes personnes ont été appelées. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? How different people were called. Comment différentes personnes ont God été appelées. God is not a computer. Dieu n'est pas un ordinateur. Hallelujah. Amen. A computer, we program things. Dans l'ordinateur, on programme les choses. Amen. Amen. You tell the computer, do this, and the computer will do it. On dit à l'ordinateur, fais ceci, et l'ordinateur va le faire. So we can predict. Donc on peut prédire. Hallelujah. Amen. We can know that when you press this button, nous pouvons savoir que si nous appuyons ce bouton, the computer will do this. L'ordinateur va faire ceci. We know what the computer will do. Nous savons ce que l'ordinateur va faire. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? And with any electrical gadgets. Et avec tout gadget électrique. Hallelujah. Amen. You can tell what would happen. Tu peux dire ce qui va arriver. When you use it. Quand tu l'utilises. Hallelujah. Amen. But God is not a computer. Mais Dieu n'est pas un ordinateur. Amen. Amen. And so he calls us in different ways. Donc il nous appelle de manière différente. Amen. Amen. The way he calls me is different from how he will call you. La façon dont il m'appelle ce sera différent de la façon dont il va t'appeler. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, so you can't say that I want God to call me this way. Donc tu peux pas dire que je veux que Dieu m'appelle de cette façon. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. And so it's God. Donc c'est Dieu. Who decides? Qui décide? How he wants to call you. Comment il veut nous appeler? Amen. Amen. And so we want to look at some example of how God calls some people. Donc on veut voir certains exemples de comment Dieu appelle certaines personnes. To help us to know. Afin que nous puissions savoir. It will help you to know that whether what God is calling you. Ça va t'aider à savoir si oui ou non Dieu t'appelle. Hallelujah. Amen. Are you with me? Avec yeah, because some of us, God has been calling us, but we don't know. Parce que certains d'entre nous, Dieu nous appelle depuis longtemps, mais nous ne savons pas. Hallelujah. Amen. Because we didn't know that God can call us this way. Parce que nous ne savions pas que Dieu peut nous appeler de cette manière. Sometimes you decide that you want God to call you this way. Ou parfois tu décides que tu veux que Dieu t'appelle de cette and façon. And so your eyes are here. Donc tes yeux sont là-bas. In this direction. Dans cette direction. When God is calling you to this direction. Quand Dieu t'appelle dans l'autre direction. Because you focus, your focus is on this way. Parce que tu étais focalisé sur cette Hallelujah. Façon. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Many of us, you know, there are a lot of things that are spiritual. Il y a plusieurs choses qui sont spirituelles. And that are divine. Et qui sont divines. And they are so natural that sometimes we don't know that it's God. Elles sont tellement naturelles que parfois nous ne savons pas que c'est Dieu. Hallelujah. Amen. And so with the example that we are going to look at in the Bible, different ways, avec people, les exemples que nous allons voir dans la Bible, de you see, some are very, very spectacular. Vous allez voir que certains sont très spectaculaires. But others are so simple that you will not know that it's God. Et d'autres sont tellement simples que tu ne vas pas savoir que c'est Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah, Nene, are you okay? Nene, tu es okay? Okay. We are happy to have you. Sommes contents de t'avoir. Hallelujah. Amen. So the first example we want to look at is a divine call of Paul through quiet conviction. Le premier exemple, c'est l'appel divin de Paul à travers des convictions silencieuses. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, for though 1 Corinthians chapter 9 verse 16. 1 Corinthians. You have the book. You have your book. Est-ce que vous avez le livre? Have your book. Est-ce if you don't have the livre? Book, 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Si tu n'as pas le livre, ouvre dans 1 Corinthiens 9 verse 16. I want to see everybody taking a Bible to read all the book. Je veux voir tout le monde prendre une Bible ou le livre. A book. Un livre. Or you read with somebody, I don't know. Ou tu vas lire avec quelqu'un, je sais pas. Hallelujah. Amen. If somebody is by your side, having the book, you can read with a person. Si quelqu'un est à côté de toi et a le livre, tu peux lire avec Hallelujah. La personne. Amen. Amen. Or you take your Bible, 1 Corinthians chapter 1, verse 16. The Bible says, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me. Yea, woe unto me if I preach not the gospel. 1 Corinthians 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So he said, necessity is laid upon me. La nécessité m'en est imposée. Amen. Amen. That's a conviction. You feel like there's something that you need to do. Ça, c'est la conviction. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Hallelujah. Amen. Many of us, we have that conviction. Plusieurs d'entre nous, nous avons cette conviction. I need to do something. Tu as la sensation que je dois you faire need quelque to chose. Do this for God. Tu dois faire God ça pour has Dieu. Asked me to do this. Dieu m'a demandé de and faire you ceci. Feel it, you feel uncomfortable if you don't do it. Et tu le ressens, donc tu te sens mal à l'aise si tu ne le fais pas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. God is calling you. Dieu t'appelle. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec so moi? A strong conviction. Donc une forte conviction. In your heart. Dans ton cœur. You feel uncomfortable. Tu te sens inconfortable. When you do it, you're happy. Quand tu fais la chose, tu es content. God has called you. Dieu t'a appelé. Hallelujah. Amen. And it's divine. Et c'est divin. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? It's not just a feeling. Ce n'est pas juste une sensation. Amen. Amen. It's not just something that you are feeling, but it's something that God is doing within you. It's telling, giving a message of a call. C'est pas juste quelque chose que tu ressens, mais c'est quelque chose que Dieu fait à l'intérieur de toi. Il est en train de te donner le message d'un appel. Alléluia. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? Yeah. The second call, the divine call of Abraham through the word of the Lord. Le deuxième appel, c'est l'appel divin d'Abraham à travers la parole du Seigneur. Hallelujah. Amen. How many of us feel you feel within yourself that you need to do something for God? Combien de nous sentons, ressentons que nous devons faire quelque chose pour Dieu? Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. Me, for example, if I don't come to church. Moi, par exemple, si je ne viens pas à l'église, home, come to je ne peux pas rester à la maison et dire que je ne vais pas aller à l'église. Because it's necessary for my life. Parce que c'est nécessaire pour ma I vie. Feel like if I don't come out, something will happen to me. J'ai l'impression que si je ne viens pas à l'église, quelque chose de mauvais va m'arriver. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, that's the conviction. C'est ça la conviction. The divine call of Abraham through the word of God. L'appel divin d'Abraham par la parole de Now, Dieu. Now the Lord, that's Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Genèse 12, verset 1 à 4. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, from thy father's house, and to the land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee, and in all in thee shall all family of the earth shall be blessed. So Abraham departed as the Lord has spoken unto him. And the Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Genèse 12, verset 1 à 4. Or l'Éternel avait dit à Abraham, sors de ton pays et d'avec ta parenté et de la maison de ton père et viens au pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham donc partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Hallelujah. Amen. Yeah, through the word of God, God is calling you. À travers sa parole, Dieu t'appelle. Anytime we preach. À chaque fois que qu'on prêche. Anytime you hear the word of God. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu. God can call you. Dieu peut t'appeler. Through his word. À travers sa parole. Hallelujah. Amen. God can call you. Dieu peut t'appeler. As you hear the man of God speaking. Alors que tu entends l'homme de Dieu prêcher. You will hear. That is God. You feel within yourself. God is telling you something. Tu vas sentir au dedans de toi que Dieu te dit quelque chose. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. So through the word of God, anytime the word of God is preached. Donc à travers la parole de Dieu, à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, Dieu appelle quelqu'un. God is calling you. Dieu t'appelle. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Calling you to do something. Il t'appelle pour faire quelque chose. Calling you to be serious with God, with him. Il t'appelle à être sérieux avec lui. Calling you to win souls. Il t'appelle à gagner des âmes. God calling you to be a shepherd. Il t'appelle à être un berger. Calling you to sing. Il t'appelle à chanter. Calling you to give yourself for him. Il t'appelle à te donner Hallelujah. À lui. Amen. Amen. Amen. Are you with me? He told Abraham, "Depart, leave your country." Il a dit à Abraham, "Pars de ton pays." Leave your father. Laisse ton père. Leave your family. Laisse ta famille. And go unto a land which I will show you. Et va dans une terre que je vais te montrer. And unto a land which I will show you. Dans une terre que je vais te montrer. Hallelujah. Amen. Did Abraham ask for where I'm going? Est-ce que Abraham a demandé où est-ce qu'il allait? No, he didn't ask. Il n'a pas demandé. He didn't even give him the name. On n'a même pas donné le nom. He said just go. Il a juste dit va. Va country. Va dans une. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah, and you know, et vous savez, most of us we like to understand. Plusieurs d'entre nous aimons comprendre. We like to analyze. Nous aimons analyser. This land that God is calling me to go, what is there? Cette terre où Dieu me demande d'aller, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Which are the people who are there? Quels sont les gens qui sont là-bas? Can I find a law school there? Est-ce que je peux trouver? School Ella school, you know Ella. Ella. Est-ce que je peux trouver l'école d'Ella là-bas? Hallelujah. Amen. Is there electricity there? Est-ce qu'il y a l'électricité là-bas? Hallelujah. Amen. Can I find shoes to wear there? Est-ce que je peux trouver des chaussures à porter là-bas? A lot of analysis and questions. Beaucoup d'analyses et de questions. Hallelujah. Amen. And because of that, we don't follow what God is telling us. Et à cause de ça, nous ne suivons pas ce que Dieu nous dit. When we hear the word of God, we ask a lot of questions. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous posons beaucoup de questions. Beaucoup de questions. A lot of questions. Beaucoup de questions. So we don't. When God even telling us, we can't even hear. Même donc quand Dieu nous parle, même nous ne pouvons même pas écouter. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. One day I was asking somebody, do you believe the word of God? Un jour je demandais à quelqu'un, crois-tu en la parole de Dieu? If you believe, then why are you asking so many questions? Si tu crois, mais pourquoi donc tu poses tant de questions? Ou bien? Yeah. We ask a lot of questions. Nous posons trop de questions. Amen. Amen. And so it prevents us from hearing God what God is telling us. Donc ça nous empêche d'écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Sometimes we hear it clearly. Parfois nous écoutons clairement. But our questions drown the voice of God. Mais nos questions éteignent la voix de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. A divine call. A divine call of Jacob through a dream. L'appel divin de Jacob à travers un rêve. Hallelujah. Amen. Through a dream. À travers un rêve. God can call you through a dream. Dieu peut t'appeler à travers un rêve. Genesis chapter 28 verse 12. They read a lot of scriptures. Ce soir, nous allons lire beaucoup de versets. Hallelujah. Amen. And Jacob went out from Beersheba and went towards Haran. And he lighted upon a certain place and tarried there all night because the sun was set. And he took one of the stones of the place, of that place, and put them for his pillow and lay down in that place to sleep. And he dreamed. And behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angel of the Lord descending and ascending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord of God Abraham, thy father, and the God of Isaac, the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed, and to thy seed shall be as the dust of the earth, and that shall spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in thee, and in thy seed, shall all the family of the earth be blessed. And behold, I am with thee, and will keep thee in all the places whither thou goest, and will bring thee again unto this land, for I will not leave thee until I have done all that which I have spoken of thee. And Jacob awoke out of his sleep. And he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. Genèse Alléluia. 20, amen. Genèse 28, versets 12 à 16. Jacob quitta donc Beersheba et s'en alla à Charan. Et il se retrouva en un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc des pierres de ce lieu-là et en fit son chevet. Ensuite, il s'endormit sur place. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait sur l'échelle et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Et à ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai en ce pays, car je n'abandonnerai point ce que je n'ai exécuté, ce que je t'ai dit. Jacob s'éleva de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu-ci. Et je ne le savais pas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Some of us, I'm sure we have dreams. Certains d'entre nous, je suis sûr, nous avons des rêves. That God is calling you. Que Dieu nous appelle. But we didn't know. Mais nous ne savions pas. Yeah, Jacob said, the Lord, surely the Lord is in this place. And I knew it or not. Jacob a dit, certainement l'Éternel est en ce lieu-ci et je ne le savais pas. Hallelujah. Amen. A lot of that, the Lord has spoken to us through dreams. Certains d'entre nous, Dieu nous a parlé à travers des rêves, mais nous ne savions pas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Most of the time we have dreams, bad dreams. Parfois nous avons des mauvais rêves. Somebody is doing something to you. Quelqu'un te fait quelque chose. Something strange is happening in the dream. Quelque chose de bizarre arrive dans le rêve. Those are the dreams that we normally have. Ce sont des rêves que nous Hallelujah. Avons. But some of those strange dreams. Mais certains de ces rêves étranges. Sometimes God has given us a message. Parfois Dieu nous donne un message. God is telling us something. Dieu nous dit quelque chose. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. I remember some guy had a strange dream. Je me souviens un garçon avait eu un rêve étrange. He stopped coming to church. Il a arrêté de venir à l'église. When he had a dream. Quand il a eu le rêve. The next morning he was coming to church. Le jour suivant il est venu à l'église. Because of the dream. À cause du rêve. He said, "Pastor, pray for me." Il a dit, pasteur, prie pour moi. I said, "God is calling you." J'ai dit, Dieu t'appelle. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You know, one, I said that when you have something strange. Je dis que quand tu as quelque chose d'étrange. And you don't understand. Et tu ne comprends pas. You just have to come to God. Tu dois juste aller à Dieu. Or. Ou bien. You just have to come to God because you don't understand. Tu dois juste aller à Dieu parce que tu ne comprends pas. You can't solve the puzzle. Tu ne peux pas résoudre le puzzle. It's the same in French. Okay. You can't solve the puzzle. Tu ne peux pas résoudre le puzzle. Some ladder from the earth to the sky. Tu as vu une échelle du sol au ciel. And then angels are climbing and descending. Et les anges montent et descendent. It's strange, or? C'est étrange, ou bien? It's a bit strange. C'est un peu étrange. Hallelujah. Amen. So your dreams. Donc tes rêves. Look carefully. Regarde avec Is attention. God saying something? Est-ce que Dieu dit quelque chose? Is God calling you? Est-ce que Dieu t'appelle? Yeah, maybe you don't understand, but God, you have to come to God. Peut-être tu ne comprends pas, mais tu dois aller à Dieu. Ou bien? You just have to come to God. God, I don't understand what's going on. Tu dois juste aller are à Dieu. Are you calling dire, me? Je ne comprends pas ce what qui se passe. What are you calling me for? Est-ce que tu m'appelles et pourquoi m'appelles-tu? Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, God is calling you. Dieu t'appelle. Wow. Are you blessed? Êtes-vous béni? Yeah. The divine call of Moses through an unusual and unnatural occurrence that drew his attention. L'appel divin de Moïse à travers un événement inhabituel qui attire son attention. Hallelujah. Amen. Yeah. Unusual and unnatural occurrences. Un événement inhabituel. Hallelujah. Amen. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law. The priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, but the bush was not consumed. And Moses says, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. And he said, draw not nigh thee hither. Put off thy shoes from thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the Lord, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face. For he was afraid to look upon God. Exode 3, versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il menait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson, et il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? Et l'Éternel vit que Moïse s'était détourné pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici. Déchausse tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu es arrêté est une terre sainte. Et il dit aussi, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage parce qu'il craignait de regarder vers Dieu. Hallelujah. Amen. Unusual and unnatural occurrence. Un événement inhabituel. God can call you. Dieu peut t'appeler. Is there something that is happening in your life? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie unusual. Qui est inhabituel? Hallelujah. Amen. That God is using to draw your attention. Que Dieu va utiliser pour attirer ton attention. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec sometimes moi? When things are happening in your life, some unusual things you don't understand. Parfois quand des choses inhabituelles se passent dans is ta vie. God drawing your attention to him. C'est Dieu qui est en train d'attirer ton attention à lui. Hallelujah. Amen. Amen. Does it happen to you? Et que ça t'arrive souvent. I start to ask yourself, what's going on in my life? Tu commences à te poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça c'est inhabituel. It's not natural. C'est pas naturel. Hallelujah. Amen. Yeah, sometimes some of the difficulties we have, is it God drawing attention to something? Parfois les difficultés que nous avons, est-ce que Dieu essaie d'attirer notre attention sur quelque chose? Because when you look, read the Bible, all that God is trying to do. Parce que quand tu lis la Bible, tout ce que Dieu essaye de faire, is to draw his children to him. C'est d'attirer ses enfants à lui. All the time. Tout le temps. Throughout the Bible. Tout au long de la Bible. God is drawing his children back to him. Dieu attire ses enfants à lui. Because we are prone to go away from him. Parce que nous sommes programmés à s'éloigner de lui. Hallelujah. Amen. And so sometimes he does certain things, allows certain things to happen to us. Donc parfois il permet que certaines choses nous arrivent. That we don't understand. Que nous ne comprenons that pas. They look so strange. Elles sont tellement étranges. They are not natural things. Elles ne sont pas naturelles. To see whether we come back to him. Pour voir si nous allons repartir à lui. Hallelujah. Amen. So God is using that experience. Donc Dieu utilise cette expérience. God is using that to call your attention. Donc Dieu utilise cela pour attirer ton attention. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec is moi? Calling somebody. Est-ce que Dieu appelle quelqu'un? Through some unnatural things in your life. À travers des choses inhabituelles dans ta some vie. Some strange things happening to you. Des choses étranges qui t'arrivent. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. So you see different ways. Donc vous voyez de différentes different façons. Different people. De différentes personnes. Amen. Amen. Yeah. The divine call of Aaron through Moses. L'appel divin d'Aaron à Moïse. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah, Exodus chapter 4. And the anger of the Lord was kindling against Moses. And he said, is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee. And when he sees thee, he will be glad in his heart. And thou shalt speak unto him and put words in his mouth. And he will be with thy mouth and with his mouth and will teach you what you will do. Hallelujah. And it shall be thy spokesman unto the people, and shall be even he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God. Exode 4, verset 14 à 16. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles en sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Amen. Are you with me? Yeah. Yeah. Yeah. There are a lot of people that God has placed in our lives. Il y a plusieurs personnes que Dieu a placées dans nos vies. We are being called through those people. Nous sommes appelés à travers ces personnes. Hallelujah. Amen. Yeah. In church, we'll say, you come here. Go here. Do this. On va dire à l'église, toi viens ici, va là-bas, fais ceci. God is calling you. Dieu t'appelle. Hallelujah. Amen. God is calling you. Dieu t'appelle. Sometimes when the pastor calls you, oh, come, do this. Parfois quand le pasteur te dit, viens, fais ceci. Tu penses que c'est un homme. It looks so natural, oh? C'est tellement naturel, ou bien? And we can easily say no. Et nous pouvons facilement dire non. Sometimes we do it, but we don't do it with our heart. Parfois nous le faisons, mais nous ne le faisons pas avec notre cœur. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? All the time. Ça se passe comme ça tout le temps. Maybe not a pastor. Même pas un it pasteur. Can be a shepherd. Ça peut être un berger. Calling you, come, do this for me. Qui t'appelle, viens, fais ceci pour moi. Take care of thing for me. Prends soin de cela pour of moi. This sheep. Prends soin de cette go brebis. Here. Va là-bas. Go and tell these people. Va dire à ces personnes. God is calling you. Dieu t'appelle. Hallelujah. Amen. Through that, À travers cela, Dieu peut t'appeler. So don't take it lightly when somebody when they ask you do this. Donc ne néglige pas quand on te demande de faire ceci. Quand on te dit viens. Follow up. Suis. Go and see this person. Va voir cette personne. Do this bustle. Fais cette cellule. Sing. Chante. Hallelujah. Amen. Don't take it lightly. Ne prends pas cela à la légère. Hallelujah. Amen. You may never know God is calling you. Tu ne sais jamais, Dieu t'appelle. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. It's very dangerous. C'est très dangereux. So if God is going to call you through somebody. Donc si Dieu va t'appeler à travers quelqu'un. And you refuse. Et tu refuses. It's very dangerous. C'est très dangereux. Hallelujah. Amen. You will miss a great blessing. Tu vas rater une grande bénédiction. Hallelujah. Amen. Are you learning something? Est-ce que vous apprenez quelque chose? The divine call of Joseph through his childhood dreams. L'appel divin de Joseph à travers ses rêves d'enfance. Yeah, I'm sure we know about Joseph. Je suis sûr que nous savons au sujet dreaming, de Joseph. Dreaming, always dreaming. Il rêvait tout le temps. Dreaming. Il rêvait. And some of us, as young as we are, we have dreams. Et certains de nous, jeunes comme nous sommes, nous avons des rêves. Hallelujah. Amen. Yeah, God is calling us through those dreams. Dieu nous appelle à travers ses rêves. As children, as young people. En tant que jeunes gens. Amen. Amen. Are you with me? Vous êtes so avec through moi. Dreams. Donc à travers les the rêves. The divine call of Joshua when Moses sent him. L'appel divin de Josué lorsque Moïse l'envoya. Hallelujah. Amen. And Moses chose said and Moses said unto Joshua, choose out of men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on top of the hill and with the rod of God in my hand. So Joseph did as Moses had said unto him. Exode 17. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Hallelujah. Amen. Are you with me? Go and fight. Va et combat. Go and fight. Va et combat. Sometimes they choose you. Go and be a battle leader. Parfois on te choisit, on te dit va et sois un leader de cellule. Va te battre pour être un leader de cellule. God is calling you. Dieu t'appelle. And when you look at the end, I mean, we have a lot of different people that God has called. Et comme vous voyez à la fin, il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées. Most of the call. La plupart des appels. Is through somebody. C'était à travers quelqu'un. Yeah. Through somebody. À travers quelqu'un. Hallelujah. Amen. The divine call of Samuel by staying in the church and being trained to recognize God's voice, which sounds like a man's voice. L'appel divin de Samuel dans le temple de l'Éternel, où il est formé à reconnaître la voix de Dieu qui sonne comme une voix d'homme. Hallelujah. Amen. And a child Samuel ministered unto God before Eli, and the word of God was precious in those days. Okay? And there was no open vision. And it came to pass at a time when Eli was laid down in his place, and the eye began to wax dim. And he could not see, and ere the lamp of Lord of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel laid down to sleep, and that the Lord called Samuel, and he answered, here I am. 1 Samuel 3, partie du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Hallelujah. Amen. Yeah. Two things. Deux choses. Two things. Deux choses. Staying in the house. Are you okay? Es-tu okay? Are you sure? Je suis. Yeah, I need to see you. I saw the missionary from Chad. Je dois te voir. Missionary for Chad. Okay. Un missionnaire pour enfants. Missionary of Chad. Missionnaire pour yeah, enfants. Missionary, the wife. He and the wife. They are in Chad. I tell you. It's powerful. Lighthouse, powerful. In Chad. Missionnaire au Chad. Yeah. Missionary. Missionnaire. It's fantastic. C'est fantastique. Yeah. Missionary of Niger. Missionnaire de Niger. Young people. Lui et sa femme des jeunes. 25, 26, 27. 26, 25 ans. Niger. Child. Au Niger. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah, avec moi. They're just like you. Ils sont juste comme vous. But you are here, you want to look for money. Mais vous êtes ici, vous voulez chercher l'argent. You're thinking of marriage. Vous pensez au mariage. Hallelujah. Amen. Young people. Les jeunes gens. It's fantastic. C'est fantastique. Yeah, fantastic. C'est fantastique. Young people. Les jeunes. I was touched. J'ai été touché. Hallelujah. Amen. So two things. Donc deux choses. In the church. Dans l'église. You know, the experience of Samuel. Two things. L'expérience de Samuel, all, deux he choses. Was in the church. Premièrement, il était dans l'église. Was in the church. Il était dans l'église. And that made him recognize the voice. Et c'est la façon qu'il reconnaisse la voix. Hallelujah. Amen. Second thing. Deuxième chose. Somebody was there to teach him how to hear the voice of God. Quelqu'un était là pour l'enseigner comment écouter la voix de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? So it's like, oh, I want to do the work of God. God has not called me. I don't know whether God has called me. C'est comme, oh, je veux faire l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si Dieu m'a appelé. Je ne sais pas comment. A lot of us will say God has not called me. Plusieurs d'entre nous allons dire Dieu ne nous a pas appelé. Ou bien. We say that God has not called you. On dit Dieu ne, va pas, ne nous a pas appelé. Yeah, by being in the church. Mais en restant dans l'église. And doing what they ask you to do. Et en faisant ce qu'on te demande de faire. You will recognize the voice of God. Tu vas reconnaître la voix de Dieu. And the teachings. Et les enseignements. The word of God. La parole de the Dieu. The guidance. Les guides. The instructions. Les instructions. They all come together to help you to recognize the voice of God. Tout cela t'aide à reconnaître la voix de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. How many was were in church yesterday at Kodesh? Combien d'entre vous étaient à l'église hier à Kodesh? Trois. Huh? Three people came to church yesterday. Trois personnes sont venues à l'église hier. Wow. Why didn't you come? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu? Why didn't you come? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? What were you doing at 7 o'clock? Qu'est-ce que tu faisais à 19h? Nothing. Rien. Huh? Hey, you people. Vous. Hey, so why didn't you come? I don't understand. Donc pourquoi n'êtes pas venu? Je ne comprends pas. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. By being in the church. You know, yesterday the preaching was powerful. Vous savez, hier la prédication était puissante. You missed. Go and buy the tape. Vous avez raté. Allez-y acheter le CD. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. We call something general call. Nous appelons quelque chose l'appel du général. Hallelujah. A general call. God calls us generally. General call. It's general. L'appel général. And then we have specific call. Et il y a l'appel spécifique. Hallelujah. Amen. Yeah. A general call and a specific call. Un appel général et un appel spécifique. The specific call, I call you to be a prophet. L'appel spécifique, c'est être appelé pour être prophète. Or call you to be a pastor. Ou être appelé à être or pasteur. Or call you to be evangelist. Ou appelé à être évangéliste. Hallelujah. Amen. Or call you to be a prophet. Ou être appelé à être prophète. Or something specific. Ou quelque chose de spécifique. That God, that's a specific call. Ça c'est spécifique, l'appel spécifique. Amen. Amen. But the general call. Mais l'appel général. Is the call to win souls. C'est l'appel à gagner des âmes. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Before God calls you to do something specific. Avant que Dieu t'appelle pour faire quelque chose de spécifique. He calls you to a general call. Il t'appelle d'un appel général. Hallelujah. Amen. He's calling all of us to win souls. Il nous appelle nous tous à gagner des âmes. Hallelujah. Amen. And as you are doing that, et alors que nous faisons cela, he leads you into a specific call. Il te conduit dans un appel spécifique. Hallelujah. Amen. And I'm linking that to Samuel's call. Et je relis cela à l'appel de Samuel. Samuel was just in the church. Samuel était juste dans l'église. Doing what they is been asked to do. Et il faisait ce qu'on lui demandait. Generally, généralement. Go do this, go and do this, win soul, do serve. Fais ceci, va Eli, servir, serve va Eli in the church. Serre Eli dans l'église. Hallelujah. Amen. And God called him as a prophet. Et Dieu l'a appelé en tant que prophète. At the end, he became a prophet. À la fin, il est devenu God prophète. God does not call you to a specific call from the beginning. Dieu ne t'appelle pas un appel spécifique depuis le début. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. That you get up and I'm a prophet. Donc tu te lèves et donc tu dis je suis prophète. C'est pas possible. Yeah. It's not possible. Unless he calls you generally. À moins qu'il t'appelle généralement. Hallelujah. Amen. Are you with me? So if you want to, you've just joined the church. Tu viens juste de joindre l'église. or you've been there for a while. Ou tu as été là, ça fait before beaucoup de God asks you to something very specific, avant que Dieu te demande de faire quelque chose de spécifique ou quelque chose de spécial, you have to be there for a long time. Tu dois être là pendant un long moment. Hallelujah. Amen. A long time. Un long moment. A long time. Un long moment. Before God, I can tell you specific things. Avant que Dieu te dise des choses spécifiques. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. So do not despise this instruction that you receive now. Donc ne néglige pas les instructions que tu reçois maintenant. Yeah. Yeah. Yesterday I said come to church, you didn't come. Hier j'ai dit venez à l'église et vous n'êtes pas venu. Come to church, you didn't come. Venez à l'église, vous n'êtes pas venu. Hey, what happened? Why are you writing exams or qu'est something? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous écriviez les examens ou quelque chose dans la nuit? Was it exam or something? Il y avait un examen ou quelque chose. That if you don't come, then you fail. Donc si tu ne viens pas, tu vas échouer. Oh? Ou bien? What's happening? Qu'est-ce qui se passe? You people, you are looking at me. Vous me regardez. Hallelujah. Amen. Amen. Are you here? Est-ce que vous êtes ici? Oh, are you here? Est-ce que vous êtes ici? Oh, but I respond. You didn't mais come répondez. To church yesterday, but I say hallelujah to you. I'm not responding. N'êtes pas venu à l'église hier et quand j'ai dit hallelujah aussi, vous ne répondez pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oh, Charlie. The divine call of Elisha by having a mantle thrown upon him. L'appel divin d'Élisée choisi par le signe d'un manteau jeté sur lui. Hallelujah. Amen. Now on another level. That's another level. Ça c'est un autre niveau. Remove the mantle and throw it upon you. Il a enlevé le manteau et il a jeté ça sur lui. It's not easy. Celui-là n'est pas facile. Hallelujah. Amen. But he says something. You know the one we read about Samuel. He said that in those days, visions are not common. Were not common. Ce que nous avons lu sur Samuel, c'est qu'à ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Hallelujah. Amen. You know, in these days, their visions are not common. De nos jours, les visions ne sont pas fréquentes. Oh? Ou bien? Visions are not common. So if you are waiting for a vision, you may never get a vision. Les visions ne sont pas fréquentes. Donc si tu attends une vision, tu n'auras peut-être pas une vision. These days, do you see mantles throwing upon people just like that? Et de nos jours, est-ce que vous voyez les manteaux jetés sur les gens juste comme ça? Those things don't happen. Ces choses n'arrivent plus. Ou bien? Yeah. It's not often. C'est pas maybe souvent. Once in a while somewhere, then you see that, oh, the man of God has thrown his mantle onto somebody. Peut-être une fois en passant quelque part, on va voir qu'un homme de Dieu a jeté son manteau sur quelqu'un. Yeah, it's not common. C'est pas so commun. The common thing is just to be in the church. Donc la chose commune, c'est d'être juste à l'église. Because the Bible says that God has given us the word. La Bible dit que Dieu nous a donné to guide us la parole pour nous into guider his will. Dans sa volonté. So the word of God is there to give us the call. Donc la parole de Dieu and est là pour nous donner la peine. Et Dieu a mis sur nous des leaders who lead us qui vont nous guider. Hallelujah. Amen. Into the call who teach us how to hear the voice of God. Qui vont nous enseigner comment entendre la voix de Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah. So Elisha, that those days, Elisha. Donc Élisée, en ces temps-là. These days we don't have a lot of those things. De nos jours, the divine call of Jeroboam. The divine call of Jeroboam through the word of the prophet. L'appel divin de Jéroboam par la voix du prophète. Hallelujah. Amen. That one you see, so somebody is there also to speak. Donc vous allez voir que là aussi quelqu'un est là pour to parler. To speak. Pour parler. For you to receive the call. Afin que tu reçoives l'appel. Hallelujah. Amen. So hearing. Donc écouter. Listening to instructions. Écouter les instructions. Hallelujah. Amen. Listening to the word of God. Listening to instructions. Écouter la parole de being Dieu. Écouter les instructions. Être dans l'église. Will lead you into the call. Va te conduire à l'appel. Hallelujah. Amen. If you despise it, donc si tu méprises you cela, just miss a great blessing. Tu vas juste rater une grande bénédiction. Hallelujah. Amen. The divine call of David through the anointing of a prophet. L'appel divin de David par l'onction du prophète. Hallelujah. Amen. Anointing. Anointing. L'onction. To anoint you. Être oint. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. The divine call of Solomon through a double dream. L'appel divin de Salomon à travers un double rêve. Hallelujah. And the Lord was angry with Moses. Huh? 1 Kings chapter 11. The Lord was angry with Moses because his heart was turned from the Lord God of Israel, which has appeared unto him twice. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Hallelujah. Amen. So sometimes you have a dream, you have it again. Donc parfois tu as un rêve dream. Et tu as le même rêve encore une fois. Quelqu'un une fois m'a dit j'ai eu un rêve et j'ai eu le même rêve encore. Hallelujah. Amen. And he said I had a dream. Il a dit, j'ai eu un rêve. And I met somebody who had the same dream that I had. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a eu le même rêve que j'ai eu. Yeah, God is saying something. Dieu dit quelque chose. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. Yeah. A dream. Double dream. The divine call of Isaiah through a vision. L'appel divin d'Esaïe à travers une vision. Hallelujah. Yeah, that's another vision. The divine call of Ezekiel through the word of God. L'appel divin d'Ézéchiel par la parole du Seigneur. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. Ezekiel chapter 1 verse 2 and 3. In the fifth day of the month, which was the fifth year of King Joachim captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest and the son of Buzi in the land of the Chaldean by the river of Chebar, and in the hand of the Lord was there upon him, and the hand of the Lord was upon him. Ezekiel 1 verset 2 à 3. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah, through the word, through the word, through the word, through the word. À travers la parole, so those of us who don't read the word, donc ceux dont on ne médite pas la parole, we don't listen to the word, qui n'écoute pas la parole, we miss the call. Nous ratons l'appel. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. The divine call of Jeremiah through the word of the Lord. L'appel divin de Jérémie par la parole du Seigneur. Hallelujah. Amen. That's one. Another, the word of God. Ça, c'est un autre the avec divine la parole call de of Dieu. Peter, Andrew, James, and John by being asked to follow. L'appel divin de Pierre, André, Jacques et Jean, les invitons à le suivre. Hallelujah. Amen. Yeah, follow. Suivre. Hallelujah. Amen. Those of us who don't follow. Ceux d'entre nous qui ne suivons pas. It's dangerous. C'est dangereux. It's dangerous. C'est dangereux. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Follow. Suis. Do what they ask you to do. Fais ce qu'on te demande. Just follow. Faire. Suis juste. Just follow. Suis juste. Hallelujah. Amen. Is it simple? Is it as simple as that? Et que c'est aussi simple que ça. Say, oh, I'm following. Where are you going? I don't know where you are going. How do I follow you? Tu vas dire, oh, je ne sais pas où tu vas. Comment est-ce que je vais te suivre? Yeah, those are the questions. Ah, sont les questions. I don't understand. Why should I do what you ask me to do? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je dois faire ce que tu me demandes de faire? What you ask me to do when I do 2 plus 2 is not 4, it's 3. Ce que tu me demandes de faire, c'est 2 plus 2, c'est 4, c'est pas 3. It's 3, it's not 4. Sorry. C'est 3, c'est pas 4. So you don't understand. Donc tu ne comprends pas. Hallelujah. Amen. Yeah. Just follow. Suis just juste, do it. Juste fais. Come to church, come. Viens à l'église, viens. You may never know. A lot of you missed yesterday. Beaucoup d'entre vous avez raté hier. You missed yesterday. Vous avez raté hier. Because it was like a miracle service. Parce que c'était comme un service de miracle. The Spirit of God was there. L'Esprit de Dieu était là. A lot of people were prayed for. Beaucoup de gens ont été priés. On a prié pour eux. Hallelujah. Amen. So you didn't come. Tu n'es pas just venu. Follow the instructions. Suis juste l'instruction. Follow what they tell you. Just suis like that. Suis ce qu'on te demande de faire juste comme ça. Is it difficult? Est-ce que c'est difficile? Is it difficult? Est-ce que c'est difficile? Why are we stubborn sometimes? Pourquoi est-ce que nous sommes têtus parfois? Oh. Ah, those who succeed in life. Ceux qui réussissent dans la vie. The main characteristic. La caractéristique principale. Is following. C'est suivre. Hallelujah. Amen. Following. Suivre. Following instruction. Suivre les instructions. Do it this way. Fais ça de cette façon. We didn't say that you don't know anything. No. On n'a pas dit que tu ne connais rien. You know. Tu connais. You know what you know. Tu connais ce que and tu connais. Say, follow. Mais on te dit suivre. Say, oh, me I know I can pass here and go here. They say no, follow, go here. Tu vas dire oh non, moi je connais, je peux passer ici, mais non. Fais you know what I'm saying? Va de ce, yeah, you manière. Know. You know what to do. Tu sais quoi faire. But if you don't decide to follow what they tell you to follow. Mais si follow, tu ne décides pas de suivre ce qu'on te demande de suivre, you miss. Tu vas rater. You will miss your blessing. Tu vas rater ta bénédiction. Do you get the revelation I'm telling you? Est-ce que vous comprenez la révélation? You know, que je I'm not saying that you don't know. Vous savez, je ne dis pas que vous ne you savez know. Rien. You vous know savez. What vous you savez. Know. Vous savez ce que vous savez. But if you don't follow what they ask you to follow, mais si tu ne suis pas ce qu'on te demande de suivre, you will miss your blessing. Tu vas rater ta bénédiction. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. Yeah. Follow. Jesus said, "Follow." Jésus a dit, suis. Now they are the greatest. Maintenant ils sont les plus of the grands. Disciples. Des disciples. Hallelujah. Amen. The greatest. When we go to heaven, they are the greatest. Quand nous allons au ciel, ce sont les plus grands. Can you imagine they be with Jesus? They follow Jesus. Pouvez-vous imaginer? Ils ont suivi Jésus. Ils étaient avec Jésus. They are the greatest. Ce sont les plus grands. Hallelujah. Amen. It's not about those who know and know what to do. No. Ce n'est pas à propos de ceux qui savent et ceux qui savent quoi faire. Sometimes when you are following, you look like a fool. Parfois quand tu suis, tu as l'impression d'être idiot. Like it's like you don't know anything. C'est comme si tu ne savais rien. But that's where the blessing comes. Mais c'est là où la bénédiction vient. Because it's a sign of humility. Parce que c'est un signe d'humilité. The Bible says that when you are humble, God lifts you up. La Bible dit que quand tu es humble, Dieu t'élève. Yeah, those who don't follow are the proud people. Ceux qui ne suivent pas sont les personnes orgueilleuses. Full of pride because they know. Remplis d'orgueil parce they don't need somebody to tell them what to do. Ils n'ont besoin de personne pour leur dire quoi faire. If we don't follow, we si miss, nous ne suivons we pas, miss, nous, ratons, nous ratons, nous ratons, we miss. Nous ratons. Alléluia. Amen. Are you blessed? Est-ce que vous êtes bénis? Wow. The divine call of Paul through spectacular and supernatural visitations. L'appel divin de Paul à travers des visites extraordinaires. Hallelujah. Amen. We know the history, the story of Paul. Vous connaissez l'histoire de Paul. What happened to him? Ce qui lui est arrivé. These days, how many of us have those supernatural visitations? De nos jours, combien d'entre nous avons ces visites extraordinaires? Hey, are you waiting to experience what Paul experienced before you follow? Est-ce que vous avez besoin d'expérimenter ce que Paul a expérimenté avant de suivre? These days. No, we de don't nos have jours, much of those things. Nous n'avons pas beaucoup de ces choses-là. Yeah, we don't have. Nous n'en avons pas. We have to follow the word of God. Nous devons suivre la parole de Dieu et les instructions. Hallelujah. Amen. The divine call of Timothy through his family back upbringing and the hand of Paul. L'appel divin de Timothée à travers sa famille adoptive et la mère de Paul. Hallelujah. Amen. Yeah, some of us we are blessed to be born in families where we are brought up. Certains nous sommes bénis d'être nés dans des familles où on nous élève. We are brought up in the fear of God. On nous élève dans la crainte de Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah, it's a blessing. C'est une bénédiction. You see that helps you to grow. Tu vois que ça t'aide à grandir. And to enter into a call. Et entrer dans un appel. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? But many of us. Mais plusieurs d'entre nous. We're not born in that family. Nous ne sommes pas nés dans ces familles-là. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? We wasn't born in a Christian family. Nous ne sommes pas nés dans des familles chrétiennes. Let's go to church. Grandissant, allant à l'église. To church. I go to church because. Moi, j'allais à l'église parce que. The headmaster said, if you don't come to church. La tête disait si tu ne viens pas à l'église. The Monday morning. Le dimanche matin, le lundi matin. They will whip you. On va te chicoter. That's the kind of church that we go. We used to go. Ah, c'est le genre d'église où on allait. Yeah, Catholic church. If you don't come, l'église catholique. Si tu ne viens if pas, if you don't go and learn the something they call it. Yeah, if you don't learn it, si tu n'apprends pas le catéchisme, and you don't come to church on Sunday, et tu ne viens pas à l'église le dimanche, so the headmaster will be there, will be marking. Donc le chef sera là, il sera present, en train de noter. Présent. Hey, forgive. Pardonner. You know when you are going to church, you are angry. Maintenant, quand tu vas à l'église, tu es en colère. When you go, what they are saying in church, what the priest is talking about, cry, you cry, you don't ce understand. Ce que le prêtre dit à l'église, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes you pas. You just want the headmaster to say present. Tu veux juste que ton maître dise présent. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Some of you, your parents will say, let's go to church. Certains de vos parents vont dire, allons à l'église. Angry. Vous serez fâché. You'll not be happy. Vous n'allez pas être content. But don't despise, I mean, some of us who were brought up from Christian families. Ce dont it's a blessing. Qui ont été nés dans des familles chrétiennes, yeah, c'est une bénédiction. To have your mother and your father saying that let's go to church. C'est une bénédiction d'avoir ton père et ta mère get te dire allons-y à l'église. Lève-toi read your et Bible. Prie, lis ta Bible. Yeah, it's a blessing. C'est une bénédiction. Hallelujah. Amen. Yeah, and Timothy was the grandmother brought him up. Et Timothée, sa grand-mère l'a élevé. Grandmother took care of him. Sa grand-mère a took pris soin to de lui. L'a emmené à l'église. And taught him. Et l'a enseigné. To fear God. À craindre Dieu. Hallelujah. Amen. And when he grew up, he met Paul. Et quand il a grandi, il and a rencontré Paul. And Paul also taught him a lot of things. Et Dieu l'a aussi enseigné plusieurs choses. Yeah, he followed Paul. Il a suivi Paul. Hallelujah. Amen. And because of that, we have 1 First and Second Timothy. Et à cause de ça, nous avons 1 et 2 Timothée. A lot of teachings in First and Second Timothy. Il y a beaucoup d'enseignements dans 1 et 2 Timothée. Yeah, because of Timothy, we have those lessons. À cause de Timothée, nous avons ces leçons. Hallelujah. Amen. Yeah. Love of money. L'amour de l'argent. Is the root of all evil. La racine de tous les maux. It's because of Timothée. C'est à cause de Timothée. Oh. Ou bien. Yeah. The leaders, they shouldn't drink. Les leaders ne doivent pas boire. They should have only one wife. Ils doivent avoir une seule femme. They should take care of their family. Ils doivent prendre soin de leur famille. Timothée. Yeah, Timothée. Because Timothée. Of Timothée. À cause de Timothée. A lot of teachings. Beaucoup d'enseignements. Yeah. Timothée said, as a soldier, you have to be hard. Parce que on lui a dit, en tant que soldat, tu dois être dur. Yeah. Paul told Timothy, be a hard soldier of God. Paul a dit à Timothée, sois un soldat. That's why Christians have to be hard. Voilà pourquoi en tant que chrétien, nous devons être durs. Hein? It's not soft. No, you have to be hard. Non, pas mou. Nous devons être durs. Amen. Amen. Yeah. It's in Timothy that they said we are born naked. C'est dans Timothée que nous avons dit que nous sommes nés nus. Yeah, we came into this world with nothing. Nous sommes venus dans ce monde avec rien. And we leave this world with nothing. Et nous allons quitter ce monde sans rien. Yeah. So if your life you are trying to gather a lot of properties, a lot of things. Donc si durant ta vie tu essaies de rassembler beaucoup de and biens, that's your vision. C'est ça ta vision. And that's the reason why you are living. Et c'est la raison pour laquelle tu vis. When you die, all the things. Quand tu meurs, toutes ces choses. Other people use it. Tu vas voir personne vont les utiliser. Alléluia. Amen. Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? So because of teachings, Paul teaches to Timothy. Donc à cause des enseignements de Paul à Timothée. All those lessons. Nous avons toutes ces leçons. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. So teaching. Donc les enseignements, teaching. Les enseignements. Timothy les enseignements. Was called. Timothée était appelé. Through his family. À travers sa and famille. And through the teachings of Paul. Et à travers les enseignements de Paul. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? So as you are here. Donc alors que tu es ici. God is calling you. Dieu t'appelle. With the teachings. Avec les enseignements. Yeah. All of us are called. Nous tous ici, nous sommes appelés. Huh? All of us. Nous tous. You are called. Tu es appelé. Look at yourself. Regarde-toi toi-même. Look at yourself. You are regarde-toi, called. Tu es appelé. God has called you. Dieu t'a appelé. Just be in the church. Sois juste dans l'église. Just do something. Fais juste quelque just chose. Just follow what they ask you to follow. Suis juste ce qu'on te demande de faire. Obey. Obéis. And you see that God will lead you into a specific call. Et tu vas voir que Dieu va te conduire dans un appel spécifique un jour. Yeah, one day. Un jour. Wow. Wow. Some of you are going to be missionaries. Certains d'entre vous allez être des missionnaires. Yeah, missionary. Des missionnaires. It's a nice experience. Those are the people who get a lot of crowns. Ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de couronnes. Yeah. Crowns. Des couronnes. Missionary in Niger. Missionnaire au Niger. Yeah, the wife. La femme. She said the food. Elle a dit la nourriture. Yeah, she was eating crickets. Elle mangeait des crickets. Yeah, crickets. Crickets. Des crickets. Yeah, Chad, you eat crickets, right? Yeah. Au Chad, vous mangez des crickets, n'est-ce pas? The wife, yeah, the missionary in Chad too. The wife said she was eating. La missionnaire, because in Ghana we don't Chadi, eat. Elle mange des crickets. Donc, Ghana we don't eat crickets. Parce qu'au Ghana on ne mange pas les crickets. Gabon you eat crickets. Au Gabon vous mangez les crickets. Yeah, we don't eat crickets. On ne mange pas les crickets. Yeah. In Chad we eat. In Niger we eat crickets. Au Tchad et au Niger nous mangeons les crickets. Congo do you eat crickets? Au Congo est-ce que vous mangez les crickets? Yeah. And the wife they say it's very nice. Et c'est, ils disent very c'est très nice. Bon, très very bon. Nice. And you know the husbands they said no no no no. Et les maris disent non non non. The husband, the missionary husband, they said they will eat. Les maris disent ils ne vont pas manger. Yeah, it's fantastic. C'est fantastique. Yeah, fantastic. The missionary wife in Chad. Les femmes des missionnaires au Chad. They prepare their food. Et dès qu'elles peuvent préparer leur nourriture. To mix a lot of things to eat because it's not here. Ghana, we don't eat beaucoup de choses pour manger parce que c'est pas au Ghana. Au Ghana on ne mange pas ces choses. Can you imagine Ghanaians? Est-ce que vous pouvez imaginer des Ghanéens? Ghanéens, oh! Des Ghanéens. Who has gone to university here? Qui sont allés à l'université Legon, ici. Cape Coast, Legon, Cape Coast, Kumasi. Who are graduates? Ils sont des diplômés. With their wives. Avec leurs épouses. They all graduates. Ils sont tous diplômés. Going to Chad. Et ils vont au Tchad. Missionary. Les missionnaires. Yeah, Niger. Au Niger. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Benin. Benin. Hey! He said Benin, Benin. The missionary wife in Benin. Les femmes missionnaires au Bénin. Il y a Juju, Vodou. Où il y a le Vodou, la sorcellerie dans les hey! She said she'll go to the market. Elle dit qu'elle va aller au marché. Then she's going to buy from a woman. Elle va acheter chez une femme. The woman said, no, she said, I want to buy this. The woman will turn the face like this. Elle va dire, je vais acheter ça. Et la femme va tourner le visage. Madame! Elle va dire, madame. The woman doesn't want to look at her. La femme ne veut pas la regarder. Because she's using something to sell. Parce qu'elle utilise quelque chose pour vendre. And she has met a et elle a croisé une femme. It's powerful. And the woman said, oh, they are calling you. Say, oh, no. Et les gens vont dire, on t'appelle. Elle va dire non. No, no, I don't want to sell to her. Je ne veux pas lui vendre. Because when you sell that, it's a woman of God. Parce que quand tu vas lui vendre, c'est une femme de Dieu. Giving you her money, you would spoil the thing. Qui donne son argent, so elle va gaspiller toute ta chose. Some of them, they said when you finish selling, certains d'entre elles, no, give the money to this person. She doesn't want to take the money herself. Certains d'autres vont dire, donne l'argent à cette say, personne neighbor, et ensuite ils vont prendre l'argent. Take the money for me. Parce qu'ils ne veulent pas prendre l'argent. You understand what I'm saying? Vous comprenez ce que je dis? Charlie, I think so. Il y a des choses. Yeah. Yeah. Charlie. You need that, Charlie. We have power. Tu vois que nous avons la puissance. You are here, you are afraid of witches. You are powerful. Tu es ici, tu as peur des sorcières alors que tu es puissant. You are powerful. When the witches, they see you, they don't want to greet you. Quand les sorciers te voient, ils ne veulent pas te saluer. Yeah. Are you with me? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So one day he took a moto. Il a dit un jour, il a pris une moto. Then the moto rider. Et le conducteur. And at a point, see that some spirit has taken over the moto. Et à un moment donné, c'est comme si un esprit avait pris contrôle de la moto. No, the moto person, the person. Avait pris contrôle de la personne qui yeah. conduisait la moto. Then the person possessed. Et la, et la personne roulait à pleine vitesse. Yeah, the person was possessed. La personne était possédée. Oh, stop, stop, slow down, slow down. On dit ralenti, ralenti. He couldn't hear. Il ne pouvait pas écouter. Yeah. I shall pray in tongues. I said the Holy Spirit tell her to pray in tongues. Il a dit que l'esprit de Dieu lui a demandé de prier en langue. Pray in tongues, pray et elle a commencé à prier en langue. And the Spirit told him when he gets to the traffic light. Et l'esprit lui a dit quand tu vas arriver à le. Get down. Le feu descend. Yeah, when he got to the traffic light, she got down off the moto. Elle est descendue de la moto. And the moto rider didn't know. Et le conducteur ne savait pas. Because he was possessed. Parce qu'il était possédé. Yeah. It says she got down and she went to stand. Elle dit qu'elle est descendue et elle allait se placer comme ça et le regarder. Was there? Then later I saw that. Elle était là. Et à un moment donné, il se retourne. Elle a dit, oh, où est la personne? Il a vu la personne debout à côté. Il a commencé à crier, crier mon argent. Et s'il avait dit 400 francs, c'est pas elle lui a donné 2000, va, pars avec. He said no no no no no no, come and take your change. I don't want your change. Il a dit non non non non, viens récupérer ta monnaie, je ne veux pas ta monnaie. Yeah. You are here, you are strong, but you are afraid. Toi tu es ici, tu es fort, mais tu as peur. You are filled with the Spirit of God. Tu es rempli de l'esprit de powerful. Dieu. Tu es puissant. The Holy Spirit, the Bible says that he that lives in you is greater than he that lives in the world. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et tu marches comme ça. When you see a mosquito, quand tu vois un moustique, tu as peur. When you sleep small dream, then you're afraid. Quand tu dors un petit rêve seulement et tu as peur. You go, missionaries. Va, missionnaire. Missionaries. Missionnaire. It's powerful. C'est puissant. Yeah, it's powerful. C'est puissant. Ghanaians. Les Ghanéens. Now they speak French. Ils parlent le français maintenant. Yeah. Yesterday, the guy was doing the translation, Ghanaian. Hier, celui qui faisait la traduction était speaking un Ghanéen. Speaking proper French. Il parlait un français correct. Yeah. When they were leaving, they were not speaking French. Quand ils partaient, ils ne parlaient pas le français. So you people are supposed to be missionaries. Donc vous êtes censés être des missionnaires. How come Ghanaians? Comment est-ce que les Ghanéens qui parlent tui et gan are going to French Franco country to go and preach. Vont dans les pays francophones. And you pour aller speak prêcher. French, you don't want to go. Et toi, tu parles français, tu you ne veux don't pas want to, you think that God has not called you. Tu penses que Dieu ne t'a you pas appelé. You think that the reason why you are here, don't think that it's because of only because of your studies. Ne pense pas que tu es ici seulement à cause de tes études. You are here to go back and go and preach. Tu es ici pour repartir aller prêcher, gagner des because âmes. Because the people understand you better than a Ghanaian. Parce que les gens vont t'écouter mieux qu'un Ghanéen. Oh? Ou bien? Ah, you think you're just here because Pastor Sam has called you. Tu penses que tu es juste ici Stéphane parce que Pastor Sam t'a appelé ou Stéphane a dit viens à l'église. The person who say come, let's go to church. Do you think it just is the person who's calling you? God is calling you. Quand une personne te dit allons à l'église, je pense que c'est la personne qui t'appelle. You. C'est Dieu qui t'appelle. Did you read with us? Tu n'as pas lu avec that nous? That God used Moses to call Aaron. Que Dieu a utilisé Moïse pour appeler Aaron. That God used Eli to let Samuel know that God was calling him. Que Dieu a appelé Eli pour faire savoir à Samuel qu'il l'appelait. But God used Paul to call Timothy. Que Dieu a appelé Paul pour appeler Timothée. So if you are here, somebody invited you. Do you think that you just somebody inviting you? Si tu es ici, que God is calling you. Que Dieu t'a, you are supposed to go back and win souls for God. Dieu t'a appelé. Tu es censé retourner et gagner des âmes pour Dieu, pour faire le travail. God has called you. Dieu t'a appelé. It's we the francophones. Ce sont nous les francophones. We are supposed to be the missionaries. Nous sommes censés être des missionnaires. Going back. Repartant. With our certificates. Avec nos diplômes. Go and look for job. Allons-y trouver and le travail. Work and do the work of God. Et travailler et faire l'œuvre de Dieu. Oh? Ou bien? God is just using your studies to bring you here. Dieu utilise juste tes études pour and t'amener to show ici. You the way. Et te montrer le chemin. And to give you a great blessing. Et te donner une grande bénédiction. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? God has called you. Dieu t'a appelé. Yeah. If you came today, God has called you. Si tu es venu aujourd'hui, Dieu t'a appelé. You have to thank the person who invited you. Tu dois remercier la personne qui t'a invité. God has called you. Dieu t'a appelé. We are created for good works. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Created for good works. Créés pour de bonnes the œuvres. Works that will take us to heaven. Les œuvres qui vont nous amener au ciel. Yeah, that's why when you die, voilà pourquoi quand tu meurs, they say rest in peace. On dit repose en paix. Because when you die, you can't do the work. Parce que quand tu meurs, tu ne peux pas faire l'œuvre. We have finished the work. Tu as fini l'œuvre. Hallelujah. Amen. Are you with me? Et so avec as you are learning, you are studying, have in mind that I have another vision. Donc alors que tu étudies, aie en tête que tu as une autre vision. I have another call. J'ai un autre appel. With my diploma. Avec mon diplôme. With my degree. Avec mon with diplôme. My masters 1 and 2. Avec mon master 1 et 2. I'm going to win souls. Je vais gagner des âmes pour Dieu. You are called. Tu as appelé. You are called. Tu as appelé. You are called. You are called. The other time you are asking a lot of questions. You are called. La dernière fois tu posais beaucoup de questions. Tu as appelé. You are called. Tu as appelé. And as you stay. Et alors que God tu demeures. God will lead you. Dieu va te guider. God will train you. Dieu va te former. God will direct you. Dieu va te guider. And show you. Et te montrer. By the time you realize. D'ici que tu t'en rends compte. You are a great missionary. Tu es un grand missionnaire. You are a great evangelist. Tu es un grand évangéliste. Samuel was very young. Il était très jeune. Yeah. God couldn't give him specific call. Dieu ne pouvait pas lui donner un appel spécifique. Yeah. He has to train him. On a dû le Paul, former. When God called Paul, quand Dieu a appelé Paul, he said, go to Joppa. Il lui a dit, when va you get there, à Joppa. Quand when tu you vas get là-bas, there, the people will tell you what to do. Les gens vont te dire quoi faire. Yeah. They have to train Paul. Il devait former Paul. Yeah. Before he starts. Afin qu'il ne commence. So if you are here, God is calling you to train you. Donc si tu es ici, Dieu t'appelle pour te former, teach you, pour te montrer, pour t'enseigner, to become afin de devenir what he wants you to become. Ce qu'il veut que tu sois. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? That's why when you are going to choose your partner, voilà pourquoi quand tu vas choisir ton partenaire, you don't need to choose anybody. Oh. Tu n'as pas choisi n'importe qui. Oh. Don't go and choose somebody who will not help you do the call, do the work of God. Ne va pas choisir quelqu'un qui ne va pas t'aider à faire l'œuvre de Dieu. Yesterday, the missionary was saying that when God calls you, hier, le missionnaire disait que quand he Dieu t'appelle, changes everything about you. Il change tout te concernant. Yeah, the way you dressed. La façon dont tu t'habilles. The dress you dress. Les habits que the tu shoes portes, you wear. Les chaussures que tu portes. The people you stay with. Les personnes avec the qui tu demeures. The places that you go to. Les endroits où the tu vas. You marry. La personne que tu maries. To all change. Tout change. Yeah. So don't let, if you are a lady, don't allow yourself to be married to any just anybody. Donc si tu es une fille, ne permets pas que tu sois mariée à juste n'importe qui. Yeah. You have to marry somebody who is supposed to help you fulfill the call of God. Tu dois marier quelqu'un qui est censé t'aider à accomplir l'appel de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? temps avec moi. Are you blessed? Est-ce que vous êtes béni? Please stand up, we close. Levez-vous, s'il vous plaît. Close. Hallelujah. Amen. Yeah, yesterday I spoke to the missionary to Congo. Hier, j'ai parlé au missionnaire du Congo. And I was telling him, oh, Chanel was from Abilene. Il me disait, oh, Chanel était d'Abilene. So, oh, Chanel is my main person, one of my main persons. Et il disait, Chanel, main c'est l'une de mes personnes principales. Yeah, un berger I want principal. To hear that for everybody. Je vais écouter ça de tout le monde. That you went back. Que tu es reparti. And you become a pillar. Et tu es devenu un pilier. For God. Pour Dieu. For the work of God. Et pour le travail de Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah, so tonight you want to close your eyes and pray. Donc ce soir, je vais fermer tes yeux et prier. That God. Que Dieu. Help me to fulfill my call. Aide-moi à accomplir mon appel. God, show me how to follow. Dieu, montre-moi comment suivre. How to obey. Comment obéir. Instructions. Les instructions. How to obey your word. Comment obéir à ta parole. To so that I can be in my call. Afin que je sois dans mon appel. Pray. Prie. Oh Lord, we bless you. Bro Seleba, Kala Shambo, Likele Bro Seleba. Father, you call us for Francophone countries. You call us to go to Senegal, to Mauritania, to Congo, to Gabon, to Chad. Lord, you call us to Francophone countries to be missionaries, to win souls for the kingdom. Oh Lord, thank you. Help us. Help us identify the call. In the name of Jesus. Help us to know. Help us to follow. Help us to obey instructions. Obey your word. Help us. Help us in the name of Jesus. Father, we bless you. Father, we honor you. Father, we glorify you. Oh, we bless your holy name. Pray that God will give you the grace to follow. The grace to obey. The grace to obey. The grace to follow. In the name of Jesus Christ. The grace to be under. And to be instructed. And to be led. And to be trained. In the name of Jesus. Father, we thank you for that grace. We give you the glory. We bless your holy name. Hallelujah. Amen. You came from heaven to earth. To show the way from the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the skies, Lord, I lift your name on high. In French. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, tu viens. Glory. You came to show us. Lord, you brought us into Ghana to show us, to teach us, to call us for the kingdom. Lord, I pray for everyone that will fulfill the call You help us fulfill the call. In the name of Jesus Christ. Father, bless you and I thank you. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Shall we clap unto God? Applaudissons pour le Seigneur. Hallelujah. Before we sit down. Avant de s'asseoir. Hallelujah. Close your eyes. Fermez vos yeux. I want to give you the opportunity to give your life to Christ. Je vais vous donner l'opportunité de donner votre vie à Christ. If you are here. Si tu es ici. And you've not given your life to Christ. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. It's life and death. C'est la vie et la mort. Or heaven and hell. Ou l'enfer ou le ciel. And this evening I want you to choose heaven. Et ce soir, je veux que tu choisisses and give your life to Christ. Et donne ta vie à Christ. If you are here, si tu es you want ici, to give your life to Christ, lift up your hand. Tu veux donner ta vie à Christ, lève la main. I want to pray for you. Je vais prier pour pray toi. With you. Ou prier avec the toi. Holy Spirit will touch you. Le Saint-Esprit va te and toucher. And give you a new life. Et te donner une nouvelle in vie. Christ. En Christ. A new life. Une nouvelle if vie. You are here, lift up your hands as si we close. Si tu es ici, lève ta main alors que nous we are just closing some few minutes. Lift up your hands. Father, lève we bless main. You. Father, we thank you. We give you all the glory in the name of Jesus. Amen. Amen.